Leçon 9, semaine du 21 au 27 mai. Jacob, le supplanteur. Samedi après-midi, verset à mémoriser. Ésaïe dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté par deux fois? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Genèse 27, au verset 36. Nous reprenons la suite de l'histoire de la famille d'Isaac. L'enfant du miracle est premier ancêtre de la descendance promise. Toutefois, l'histoire ne commence pas particulièrement bien. Le caractère imparfait de son fils, Jacob, se manifestera dans la rivalité entre les deux frères, avec le droit d'aînesse comme enjeu. Genèse 25, versets 27 à 34, et par conséquent avec l'obtention de la bénédiction d'Isaac. Genèse 27. Comme Jacob trompe son père et vole la bénédiction à son frère aîné, il devra fuir pour sauver sa vie. En exil, Dieu vient le défier à Bethel. Genèse 28, versets 10 à 22. Désormais, Jacob le trompeur subira lui-même des tromperies. Au lieu de Rachel que Jacob aimait, au Genèse 22, c'est Léa, la fille aînée, qui sera donnée à Jacob et il devra travailler 14 ans pour gagner ses épouses. Pourtant, Jacob connaîtra aussi la bénédiction de Dieu, car en exil, il aura 11 de ses fils et Dieu augmentera ses richesses. Ainsi, quels que soient les autres éléments présents dans cette histoire, nous voyons comment Dieu accomplit ses promesses d'alliance d'une manière ou d'une autre, peu importe le nombre de fois où ceux qui croient en lui échouent. Dimanche 22 mai. Jacob et Ésaü. Lisez Genèse 25 au verset 21 à 34. Comparez les deux personnalités de Jacob et d'Ésaü. Quelle qualité présente chez Jacob le prédisposait à être digne de la bénédiction d'Isaac? Dès avant leur naissance, nous comprenons que Jacob et Ésaü sont différents et qu'ils lutteront l'un contre l'autre. Tandis qu'Ésaü est décrit comme un chasseur robuste qui parcourt les champs, Jacob est vu comme une personne tranquille, assise dans la tente à méditer. En hébreu, le mot tam, traduit par tranquille, est le même appliqué à Job et à Noé et traduit par irréprochable pour Job, voir Job 1 au verset 8, et par parfait pour Noé, Genèse 6 au verset 9. Cette différence de caractère devient plus manifeste encore plus tard dans leur vie, Genèse 27 verset 1 à 28 verset 5. Quand Ésaü rentre à la maison fatigué et affamé, Jacob lui cuisine des lentilles. Pour Ésaü, le fait d'apprécier la nourriture immédiatement et visiblement aujourd'hui est plus important que la bénédiction future associée à un droit d'aînesse. Les promesses faites à Abraham et confirmées à son fils, promesses qu'il faisait pour Isaac et Rebecca, l'objet suprême de leurs vœux et de leur espérance, étaient connus d'Ésaü et de Jacob. Le droit d'aînesse leur avait été présenté comme un précieux apanage conférant non seulement une richesse temporelle, mais une primauté spirituelle. Celui à qui il sera dévolu deviendra, leur avait-on dit, le prêtre de la famille et l'ancêtre du Rédempteur promis. Ellen White, Patriarche et prophète, page 158. Pour Jacob, contrairement à son frère, ce qui compte, c'est la signification spirituelle future de la bénédiction. Pourtant, plus tard, à l'instigation de sa mère, voire Genèse 27, Jacob trompe ouvertement et intentionnellement son père en allant jusqu'à employer le nom de l'Éternel ton Dieu, voire Genèse 27 au verset 20. Il se livre à cette terrible tromperie, bien qu'il s'agissait de quelque chose qu'il savait être bien. Les résultats furent tragiques et ajoutèrent de nouveaux éléments de dysfonctionnement, chez une famille déjà dysfonctionnelle. Jacob voulait quelque chose de bien, quelque chose de valeur, et c'était quelque chose d'admirable, surtout si l'on compare avec l'attitude de son frère. Pourtant, il a usé de tromperie et a menti pour l'obtenir. Comment éviter de tomber dans les mêmes genres de pièges en faisant quelque chose de mal pour que du bien en sorte? Lundi 23 mai, l'échelle de Jacob. Dès qu'Ésaü apprend que Jacob a reçu la bénédiction de son père, il comprend qu'il a été trompé et supplanté par son frère. Genèse 27 au verset 36. Et il veut le tuer. Genèse 27 au verset 42. Rebecca s'inquiète et veut empêcher ce crime qui serait fatal aux deux fils. Genèse 27 au verset 45. Alors, avec le soutien d'Isaac, Genèse 28 au verset 5, elle pousse Jacob à s'enfuir dans sa famille. Genèse 27 au verset 43. Sur le chemin de l'exil, Jacob rencontre Dieu dans un rêve à un endroit qu'il appellera Bethel, la maison de Dieu, et il y fera un vœu. Lisez Genèse 28 au verset 10 à 22 et comparez Genèse 11 au verset 1 à 9. En quoi Bethel est-il différent de Babel? Quelles leçons peut-on en tirer de l'expérience de Jacob à Bethel par opposition à ce qui est arrivé à Babel pour notre relation avec Dieu? Dans ce rêve, Jacob voit une échelle extraordinaire qui est reliée à Dieu. Le même verbe en hébreu, natsav, est employé en référence à l'échelle qui est dressée. Genèse 28 au verset 12, et le Seigneur qui se tenait au-dessus, comme si l'échelle et le Seigneur étaient la même personne. L'échelle est liée à la tentative d'atteindre le ciel à Babel. Comme la tour de Babel, l'échelle atteint la porte du ciel. Mais tandis que la tour de Babel représente les efforts humains de monter et d'atteindre Dieu, l'échelle de Bethel souligne que cet accès à Dieu n'est possible que si Dieu descend vers nous et non grâce à nos efforts humains. Quant à la pierre sous laquelle Job a posé sa tête et fait son rêve, elle devient le symbole de Bethel, la maison de Dieu. Ce qui renvoie au temple, au sanctuaire, le centre de l'activité salvatrice de Dieu en faveur de l'humanité. Pourtant, Jacob ne limite pas au spirituel et au mystique son expression d'adoration et son sentiment de stupeur concernant ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il voulait répondre de manière concrète, extérieure. Ainsi, Jacob décide de donner un dixième à Dieu, non pas afin d'obtenir la bénédiction de Dieu, mais comme une réponse reconnaissante au don de Dieu qui lui avait déjà été fait. Là encore, nous voyons que l'idée de la dîme était présente bien avant l'existence de la nation d'Israël. Relisez Genèse 28 au verset 22. La dîme est prise sur tout ce que tu me donnes. Genèse 28 au verset 22. Quel point important devons-nous retirer de ce que Jacob dit ici sur la dîme et sur ce qu'elle est? Mardi 23 mai, le trompeur trompé. Lisez Genèse 29 au verset 1 à 30. Comment et pourquoi Dieu permet-il l'escroquerie de Laban? Quelle leçon Jacob a-t-il apprise? La première chose que voit Jacob quand il arrive à destination, c'est une pierre, peut-être un rappel de la pierre de Bethel, qui signifie la présence de Dieu. C'est cette pierre qui, après tout, donnera à Jacob l'occasion d'interagir avec Rachel. Quand Jacob entend les bergers dire que Rachel arrive avec ses moutons pour leur donner à boire, il exhorte les bergers à rouler la pierre. Ils refusent, ce qui donne l'occasion à Jacob de le faire lui-même et de se présenter à Rachel. Genèse 29 au verset 11. Rachel réagit en courant vers sa famille. Ce premier contact entre Jacob et Rachel est productif. Jacob aime Rachel, Genèse 29 au verset 18, à tel point que les 7 années pendant lesquelles il travailla pour Laban en échange de Rachel fut comme quelques jours. Genèse 29 au verset 20. Cependant, après ces 7 années, Jacob est trompé. La nuit du mariage, c'est Léa, la sœur aînée et non Rachel, que Jacob découvre dans son lit. Laban, profitant à la fois de la confusion du festin et de l'intense émotion de la vulnérabilité de Jacob, avait réussi à manigancer cette tromperie. Chose intéressante, Laban emploie pour tromper la même racine qu'Isaac pour décrire le comportement de Jacob envers son frère et lui. Genèse 27 au verset 35. Notez que la même réflexion est sous-entendue dans la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Exode 21 au verset 24, voire Genèse 9 au verset 6, qui force le coupable à s'identifier à sa victime, car le coupable devait subir le même sort. De la même manière, ce que Jacob avait fait subir, il le subissait, à présent en retour. Jacob comprend à présent ce que c'est que d'être victime de tromperie. Ironiquement, Dieu donne une leçon à Jacob sur sa propre tromperie à travers celle de Laban. Bien que Jacob, lui, qui est un trompeur, sache très bien ce que signifie la tromperie, il est surpris quand il en devient la victime. Ainsi, il pose la question « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Ce qui montre qu'il sait que la tromperie est quelque chose de mal. Jacob était le trompeur, pourtant il fut lui-même trompé. Comment apprendre à faire confiance à Dieu quand la justice n'est pas faite, quand nous voyons les gens qui font le mal s'en tirer ou quand nous voyons les innocents souffrir? Mercredi 25 mai, bénédiction de la famille. Pour Jacob, les 7 dernières années de l'exil furent un fardeau et pourtant ce furent aussi les années les plus fructueuses, car pendant ces années, Jacob deviendra le père de 11 des 12 enfants qui deviendront les ancêtres du peuple de Dieu. Cette partie constitue le cœur de l'histoire de Jacob. Genèse 25, versets 19 à 35, verset 26. Et elle commence et se termine par l'expression clé « Dieu ouvrit la matrice » en parlant de Léa. Genèse 29, au verset 31, et Rachel, Genèse 30, verset 22. Chaque fois que cette déclaration est suivie de naissance, les preuves indiquent que ces naissances sont le résultat de l'action miraculeuse de Dieu. Lisez Genèse 29, au verset 31 à 30, verset 22. Aujourd'hui, comment doit-on comprendre la signification de ce qui se joue ici? Dieu rendit Léa féconde et elle eut un fils, Ruben, dont le prénom contient le verbe Naa, qui signifie voir, puisque Dieu vit qu'elle n'était pas aimée de Jacob. Genèse 29, verset 31. Cet enfant fut la compensation de sa douleur et de sa souffrance. De plus, elle donne à son deuxième fils le nom de Siméon, qui contient le verbe shama, entendu, car Dieu avait entendu la profondeur et l'humiliation de sa souffrance, et ainsi il eut pitié d'elle de la même manière qu'il avait entendu l'affliction d'Agar. Genèse 29 au verset 33. Siméon, le fils de Léa, fait également écho au nom du fils d'Agar, Ishmaël, qui signifie « Dieu entendra ». Genèse 16, verset 11. Quand Léa donne naissance à son dernier fils, elle l'appelle Judas, ce qui signifie « louange ». Léa ne parle plus de sa douleur, ni même de sa bénédiction, elle se concentre simplement sur Dieu et le loue pour sa grâce. Bizarrement, ce n'est que lorsque Léa ne donne plus naissance à des enfants que Dieu se souvient de Rachel et la rend féconde. Genèse 30 au verset 22. Rachel, l'épouse aimée, dut attendre 7 ans après son mariage et 14 ans après ses fiançailles avec Jacob pour avoir son premier fils. Genèse 29 au verset 18 et 27, voire Genèse 30 au verset 25. Elle lui donna le nom de Joseph pour signifier que Dieu avait enlevé son déshonneur et ajouter un autre fils. Aussi mauvaise qu'aient été certaines de ces choses, Dieu put s'en servir, même s'il ne les approuvait pas, afin de créer une nation à partir de la semence d'Abraham. En quoi cette histoire révèle-t-elle que les desseins de Dieu s'accompliront au ciel et sur terre malgré les faiblesses et les erreurs humaines? Jeudi 26 mai, départ de Jacob. Dans cette histoire, Jacob qui a trompé son père et son frère pour accueillir le droit d'aînesse et qui a volé la bénédiction qu'Isaac avait prévue pour son fils aîné, demeure pourtant passif envers Laban et le sert fidèlement. Jacob sait bien qu'il a été trompé par son beau-père et pourtant il ne fait rien. On comprend difficilement la passivité de Jacob étant donné son tempérament. Il aurait pu se révolter ou au moins résister à Laban ou marchander avec lui. Mais non, il s'est contenté de faire ce que Laban avait demandé malgré l'injustice flagrante. Néanmoins, la naissance du premier fils de Rachel, Joseph, Jacob atteint sa 14e année de service auprès de Laban. Et il envisage à présent de partir pour retourner en terre promise. Mais Jacob s'inquiète et voudrait subvenir aux besoins de sa maison. Genèse 30 au verset 30. Lisez Genèse 30 au verset 25 à 32. Que se passe-t-il ici et quel genre de raisonnement Jacob suit-il? Quelle est la réaction de Laban? Ce détour avait été long pour Jacob qui était parti de chez lui depuis si longtemps. Il n'avait probablement pas eu l'intention de rester loin de son pays pendant si longtemps, mais les événements l'avaient gardé éloigné pendant des années. Il est temps à présent de rentrer, et avec quelle famille? Entre-temps, le fait que Jacob ait respecté les conditions de Laban indique qu'il a peut-être changé. Il a compris la leçon de foi, c'est-à-dire que Jacob a attendu le signal de Dieu pour partir. Ce n'est que lorsque Dieu parle que Jacob décide d'y aller. Dieu se révèle à Jacob comme le Dieu de Bethel et il ordonne à Jacob de quitter la maison de Laban et de retourner au pays de sa famille. Avec les mêmes paroles que Dieu a prononcées pour appeler Abraham à quitter sa famille. Genèse 12 au verset 1. L'attitude des fils de Laban et de Laban lui-même lui ont également permis de voir qu'il était temps de partir. Jacob aurait depuis longtemps quitté son rusé parent, n'eût été la crainte de rencontrer Ésaü. Maintenant, il comprend que rester davantage, c'est courir un sérieux danger. Les fils de Laban, qui considèrent sa richesse comme lui appartenant, pourraient bien un jour la lui ravir de force. Ellen White, Patriarche et prophète, page 160. Ainsi, il prend sa famille et ses biens et s'en va et amorce ainsi une autre phase dans la grande saga du peuple de l'Alliance de Dieu. Vendredi 27 mai. Pour aller plus loin, Dieu a choisi Jacob non parce qu'il le méritait, mais par sa grâce. Et pourtant, Jacob a travaillé dur pour essayer de mériter la grâce, qui serait en soi une contradiction. S'il la méritait, alors ce ne serait pas la grâce. Voir Romains 4 au verset 1 à 5. Ce serait contraire à l'Évangile. Ce n'est que plus tard que Jacob commence à comprendre la signification de la grâce de Dieu et ce que signifie faire confiance à Dieu, vivre par la foi et être complètement dépendant du Seigneur. L'expérience de Jacob contient une leçon importante pour celui qui est ambitieux. Ne vous donnez pas du mal pour vous mettre en avant aux dépens des autres. Jacob pensait gagner le droit d'aînesse par la tromperie, mais il se trouva déçu. Il pensa avoir perdu son lien avec Dieu, son foyer, tout. Il était devenu un fugitif déçu. Mais que fit Dieu? Il le considéra dans sa situation désespérée. Il vit sa déception et il vit qu'il y avait là matière à rendre gloire à Dieu. Dès qu'il voit sa condition, il lui présente l'échelle mystique qui représente Jésus-Christ. Voici l'homme qui a perdu toute connexion avec Dieu, et le Dieu des cieux le considère et consent à ce que Christ comble le gouffre que le péché a créé. Nous aurions pu regarder et dire « Je voudrais aller au ciel, mais comment ? Je ne vois aucun moyen. » C'est ce que pensait Jacob. Alors Dieu lui montra la vision de l'échelle avec cette échelle qui relie le ciel et la terre, avec Jésus-Christ. Un homme peut y monter car sa base repose sur la terre et son barreau le plus haut touche le ciel. Ellen White, Comment, The Bible Commentary, volume 1, page 1095. Voyez un peu les caractères de ces personnes, Isaac, Rebecca, Jacob, Ésaü, Rachel, Léa, tels qu'ils se révèlent dans certains de ces récits de l'histoire sacrée. Voyez tous les mensonges et les tromperies. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la nature humaine en général et aussi sur la grâce de Dieu? En lisant l'histoire de Jacob, quelle preuve avez-vous qu'avec le temps, son caractère s'est développé et a gagné en maturité? En tant qu'adventiste du septième jour, en quoi courons-nous le danger d'avoir l'attitude qu'Ésaü a eue envers son droit d'aînesse? C'est-à-dire, comment nous assurer que nous ne cessons jamais d'aimer et d'apprécier toute la lumière que le Seigneur nous a donnée?